Épilogue. Roncevaux. 778. Vous n'avez sans doute pas oublié, mes enfants, que Charlemagne avait envoyé Ganelon en Aquitaine. Pour la honte et le malheur de la France, le comte de Mayence a mis ce voyage à profit. Le traître s'est entendu à merveille avec Lupus, notre ancienne et mauvaise connaissance. La mort de Roland et des pères de Charlemagne est décidée. À les attaquer en face, il ne faut pas songer. « Je me charge de les attirer dans les montagnes, » dit Gane. « Envoyez seulement 20 000 Navarrais et Gascons sur les hauteurs que je vous indiquerai, et là, à l'abri, ils écraseront sous les rochers cette engeance orgueilleuse. » À cette même époque, Marsille assemble ses guerriers. Étendu à l'ombre sur son perron de marbre blanc, il s'entretient avec eux. « Seigneur, depuis que ce Charles maudit a mis le pied sur le sol d'Espagne, nous n'avons pas eu un seul instant de répit. Quelque vaillance dont nous ayons fait preuve, partout nous avons été écrasés. Nous ne pouvons faire davantage. Aucun de nous ne s'est épargné. Vous ne voulez pas plus que moi, je suppose, céder cette tant douce Espagne aux gens du Nord. Aidez-moi donc par vos avis à prendre revanche de tant de désastres. » Blancandrin, le plus sage et le plus subtil des païens, prend la parole. Là où le lion ne peut passer, souvent passe le renard. Eh bien, puisque lion nous sommes arrêtés, agissons en renard, et ne perdons ni notre temps en lamentations, ni nos ressources en efforts inutiles. Charles est orgueilleux, et quand elle a l'orgueil pour sentinelle, la place est mal défendue. Assurez de votre respectueuse amitié ce vantard couronné, dites-lui votre désir de recevoir le baptême, et donnez-lui rendez-vous dans son pays de France. Promettez de l'y rejoindre de vers la Saint-Michel, avec les principaux d'entre nous, lui jurant soumission et obéissance à la foi chrétienne. Ajoutez que vous lui ferez présent de 300 mulets chargés de fins besants d'or et d'argent, de 50 chariots comblés de même, sans compter de riches étoffes, des chevaux de bataille, 300 autours muets, des lions et des lévriers dressés pour la chasse, plus 500 belles sarrasines, si tel est son bon plaisir. Les envahisseurs sont depuis longtemps hors de chez eux. Ils ont laissé leur domaine à la seule garde de leur femme épousée, et il n'en est pas un seul qui ne désire le repos. Une fois le butin partagé, ils presseront leur roi de partir, et lorsqu'ils seront rentrés, ce sera le diable pour les faire sortir. Ce conseil peut être bon, mais Charles n'est pas homme à se fier à de simples paroles. Envoyez-lui des otages, 10, 20, 30, s'il les demande. Ne vaut-il pas mieux perdre quelques femmes et enfants que notre Espagne? J'offre de livrer mon fils au péril de sa vie. » Ce conseil parut sage et fut goûté de tous. « Partez donc, » dit Marsille à Blancandrin. « Je vous promets brillante escorte au départ et largesses au retour. Remplacez l'épée par la branche d'olive et n'épargnez pas les promesses. » Les messagers montent sur de blanches mules aux harnais d'or et d'argent carillonnant, et les voilà partis pour le camp de Charlemagne. Il y eut grand presse sur leur passage lorsque les envoyés de Marsille arrivèrent. Ils furent aussitôt introduits. L'empereur à la barbe de neige est dans son verger, entouré de ses plus vaillants. Les jeunes se perfectionnent au jeu des armes. Les vieux devisent ou se divertissent au jeu d'échecs. Blancandrin, après avoir salué avec une noble bienséance, s'acquitte de son message si cauteleusement que les pères de ses criers « Voilà qui nous assure un prompt retour !» Mais Charlemagne reste pensif. Ce n'est pas plus son habitude de s'émerveiller que de se désespérer dès les premières minutes. il se lève enfin. La nouvelle que vous m'apportez a lieu de me réjouir. Si véritablement le roi Marsille veut faire son salut, qu'il vienne me rejoindre à Aix-la-Chapelle, et je l'y recevrai comme un frère. Une tente est dressée pour Blancandrin et sa suite. Les soins et les cadeaux ne leur sont pas ménagés. Le lendemain, après messe et matine, le sage empereur rassemble ses barons à cette fin de savoir d'eux comment leur plaît le discours de l'envoyé du roi de Saragosse. Neim, chevalier de grand renom et des plus avisés, se lève. « Sire, vous avez battu vos ennemis partout où ils ont accepté le combat. De leur forteresse, il ne reste pas une pierre. Leurs villes sont brûlées et leurs troupes ont reçu la mort ou le baptême. » Vous avez relevé la croix partout où elle avait été renversée. Que pouvez-vous désirer de plus? On vous offre la rançon d'un royaume dont vous gardez la suzeraineté. Un peuple de mécréants vous demande le salut et vous offre des otages pour garantie. Ce serait péché que de continuer une guerre désormais sans but. Tel est mon sentiment. Roland ne fut pas long à se lever après ce discours. « Est-ce bien vous, Neim, que j'entends là, et pouvez-vous donner de tels avis ?»« Marsille est fort votre ennemi, sire, et vous ne l'avez pas traité de façon à lui faire venir les baisers aux lèvres. Ne tournez pas le dos à l'Espagne avant que votre tâche ne soit achevée. Nous sommes ici plus qu'il n'en faut pour la parfaire. Renvoyez à leur foyer ces guerriers-là avant d'avoir vaincu, et je vous jure qu'avec ceux qui resteront, vous irez planter la croix en vue de l'Afrique, si tel est votre bon plaisir. Comment pouvez-vous avoir foi dans la parole des païens? Avez-vous donc oublié déjà le sort que Marsille fit subir à deux de vos comtes, Bazan et Basile? Ils portaient votre parole au roi de Saragosse, et ils furent décapités sur la montagne de Hautille. C'est votre honneur, sire, qui est tombé ce jour-là sous le couteau des infidèles. Le laisserez-vous fouler aux pieds parce qu'il sourit à quelque chevalier prudent de quitter la partie? Fuyez, mais dussé-je demeurer seul ici, j'y resterai, m'efforçant de rendre ma mort si glorieuse qu'elle vous fasse envie à tous. » Charlemagne, pendant ce discours, fronce le sourcil et tourmente sa moustache. Se voyant, Ganelon se lève à son tour. « Que voilà bien le langage de l'orgueil! Je me demandais, en l'écoutant, si nous vivions sous le règne de Roland ou sous celui de Charlemagne. Voilà qui est bientôt dit et qui sonne à merveille comme toute chose creuse. On nous engage à fuir? Est-ce donc dans nos habitudes? Et ne semble-t-il pas que ce Roland ait pris l'Espagne pendant que nous le suivions de loin? Sire, pardonnez à mon indignation, mais je ne puis m'empêcher de parler franc. Ne prenez conseil que de vous-même, et vous vous en trouverez bien. » Alors Charlemagne demande à ses barons lequel d'entre eux il convient d'envoyer au roi Marsille. Tous se lèvent et s'offrent à partir. Roland insiste plus que tous les autres. « C'est assez me rompre la tête, mon neveu, » dit l'empereur. « Je ne vous enverrai certes pas remplir une mission que vous désapprouviez tout à l'heure. Mon compère Gane portera notre volonté au roi de Saragosse. C'est à lui que je destine le bâton et le gant. » « C'est choisir sagement, en effet, » dit Roland en éclatant de rire. « Vous ne trouverez nulle part un envoyé plus prudent. Assez, mon neveu, par ma barbe, vous commencez à m'irriter par trop. Asseyez-vous et attendez pour parler que je vous l'ordonne. » « Sire, dit Ganelon, d'un tel voyage on ne revient guère. Je vous confie Baudouin, mon fils, qui sera un jour un brave chevalier. » Charlemagne lui tend le gant. Le comte de Mayence le laisse tomber à terre. « Ceci est de mauvais présages, disent les Français en se regardant. Roland pourrait bien avoir raison. « Seigneur, vous aurez avant peu de mes nouvelles, » ajoute Gane avec un méchant sourire. Puis, muni du bâton et de la lettre, il se dispose à partir. Ganelon et Blancandrin, suivis de l'escorte Sarrasine, ont voyagé côte à côte pendant 3 jours. Le mécréant est trop habile pour n'avoir pas deviné dès le premier instant la haine du comte de Mayence pour Roland, et il s'en est fort réjoui. Écoutez les deux viser entre eux de choses de guerre. « D'où vient, dit Blancandrin, qu'au lieu de rechercher notre alliance, votre empereur nous a fait si rude guerre. C'est Roland qui l'y a toujours poussé. Sans lui, il y a longtemps que nous serions de retour en France. » On arrive au camp de Marcille. 15 000 Sarrasins entourent le roi de Saragosse, mais pas un ne tint une parole, de peur de perdre une syllabe de ce qui va se dire. Que Mahom et Apollon vous sauvent, cher sire. Nous avons accompli votre message, et je vous conduis un des plus nobles barons de la cour de France qui décidera avec vous de la paix ou de la guerre. Je suis prêt à l'entendre. Marcille et Ganelon sont demeurés enfermés pendant 2 heures, 2 heures qui préparent des siècles de regrets. La tente est ouverte de nouveau, et le roi de Saragosse en sort, appuyé sur le bras de l'envoyé du roi des Francs. Il n'en eût pas été de même si Roland fût venu au lieu et place du comte de Mayence. « Seigneur, dit Marcille au preux qui l'entoure, saluez le sauveur de l'Espagne. Ce baron, quoique chrétien, est fort de nos amis, et j'entends qu'il soit traité comme tel. » Un païen s'avance, tire son épée du fourreau et la présente à Ganelon. « Cette arme est la meilleure du monde, dit-il. La poignée est estimée 1000 besants pour le moins, et cependant la lame vaut plus encore. Accepte-la, et puisse-t-elle te servir heureusement contre Roland. » « J'y tâcherai, dit simplement le comte de Mayence, et le traître et le païen s'embrassent sur la bouche. La reine passait. Marcille l'arrête, la fait descendre de palanquin et lui dit « Voici notre meilleur ami. Vous lui devrez de rester sous le ciel de l'Espagne que vous aimez tant. Embrassez-le pour l'amour de nous tous. » « De grand cœur, dit la sultane, je veux aussi, seigneur Ganelon, que vous portiez à votre femme ces bracelets qui sont les plus beaux que je possède. » L'apostole ni l'empereur n'ont à Rome ni à Aix-la-Chapelle rien de pareil en leur trésor. Chacun à l'envie entoure le comte de Mayence et lui offre ce qu'il a de plus précieux. Le même soir, voilà Gane qui retourne au camp escorté de présents et d'otages pour l'empereur. 3 jours après, au plus petit de l'aube, Ganelon et son escorte arrivent au quartier de Charles. « Vous voilà, dit l'empereur. Avez-vous fait bonne ambassade ?»« Sire, vous n'avez plus que faire ici. Le brave roi Marcille est désormais votre homme-lige. Et voici les trésors qu'il vous envoie en attendant mieux. Là aussi sont des otages au nombre de 30, choisis par moi et tous de la meilleure lignée. Dans un mois, le roi païen vous aura rejoint à la cour de France, et il y aura reçu le baptême avec ses barons et ses preux. Vous ne pouviez m'apporter plus heureuse nouvelle, et je me réjouis fort du choix que j'ai fait de vous. Avant peu, vous aurez lieu de vous réjouir aussi. » Ayant reçu congé, Gane s'éloigne avec Pinabel, son neveu, auquel il désire apprendre la vérité. Voilà que Mitaine les a précédés dans une écurie vers laquelle le traître se dirigeait. L'enfant, qui sait la haine que le comte de Mayence porte à son ami Roland, est curieuse de l'entendre jaser à cœur ouvert. Elle escalade la mangeoire et se cache dans le foin du râtelier. Voici ce que le nouveau Judas disait lorsqu'il s'approcha de son cheval. « Marcille, qui m'avait assez malmené le matin, me fit le soir des excuses et me donna en gage de réparation des fourrures de martre d'une grande valeur. Je lui fis comprendre le triste sort qui l'attendait et lui assurai que seul Roland mettait obstacle à notre retour en France. N'espérez aucune merci du vivant de Roland, ai-je ajouté. Par quel moyen peut-on l'auxir? De ceci je me charge si vous m'y voulez aider. Que faut-il faire pour cela? Sire, voici ce que j'ai imaginé. Avant peu, nous serons en route pour France. Le poste le plus dangereux est à l'arrière-garde. Roland le réclamera. Quand il sera dans les défilés de Roncevaux, entouré de la fleur de notre chevalerie, 20 000 Navarrais et Gascons, postés par moi, feront pleuvoir les quartiers de Roche. Profitez de la surprise générale et avec 200 000 hommes attaqués par derrière. Je ne vous garantis pas la vie des vôtres, mais qu'un combat succède à l'autre, et assurément Roland perdra la vie à ce jeu. « C'est bien parlé, me dit le roi. Cet avis te vaudra 10 mulets chargés de fins besants d'or, et je te servirai pareil rente tout le temps de ta vie. » Ce récit achevé, Pinabel remarque que le cheval de Ganelon, bien qu'ayant fait longue route, souffle sur le râtelier sans toucher aux herbes, et voulant s'assurer que rien ne peut empêcher la bête de manger, il prend une fourche et l'enfonce dans le foin. Une des dents traverse la cuisse de Mitaine, qui cependant demeure muette, ne voulant pas perdre par un cri le profit de ce qu'elle vient d'entendre. « Il n'y a rien, » dit Pinabel. « Que voulez-vous qu'il y eût? Ne savez-vous donc pas que le bon cheval mange peu le matin? Ce n'est pas sans raison que le sarrasin dit « La nourriture du matin s'en va au fumier, celle du soir passe à la croupe. » Et tous les deux sortent de l'écurie. Mitaine a grand mal à regagner la tente de Miton. Elle frotte sa blessure avec un baume célèbre encore en usage, le fameux baume Miton-Mitaine, et le soir, elle peut se rendre auprès de Roland. Le comte Dumont écoute le récit de son écuyer. « C'est une heureuse nouvelle que tu m'apportes, petite, et je vais trouver là, Dieu aidant, l'occasion d'en finir avec ce Ganelon Iscariote. »« Quoi ? » dit Mitaine, surprise. « Vous ne changerez pas de route ?»« Retiens ceci. Celui qui trouve un reptile sur son chemin a deux parties à prendre. Se détourner et poursuivre, mais c'est laisser un ennemi derrière soi. Marcher au monstre et l'écraser, voilà le plus sûr. Il y a bien encore la fuite, mais qui y songe? Je n'aurai garde de négliger la fortune qui m'est offerte. Jure-moi le silence sur tout ceci. » Les trompettes sarrasines retentissent au camp de Marseille. Les païens se sont embusqués sur le passage des Français. Ils les attendent à l'aube nouvelle. Les clairons sonnent au camp de Charlemagne. L'heure du départ est venue. L'empereur chevauche fièrement au milieu de ses preux. Qui conduira l'arrière-garde au défilé de Sisère? Demande-t-il à ses barons. Le comte Roland, sire, hasarde Ganelon, puisqu'il est le plus brave. N'est-ce pas à lui que revient le danger? C'est une vilaine pensée qui guide vos paroles, comte de Mayence. Pourquoi donc, sire? Riposte Roland. Le compère a raison, c'est mon droit, et je le réclame. Soit, dit l'empereur, mes pères t'accompagneront, et 25 000 chevaliers aussi. Et Gane de se dire à part, les païens auront chaud de journée. Les sarrasins sont à l'affût dans les bois, à l'entrée des défilés. Les Navarrais et les Gascons, honte à jamais sur eux, sont embusqués sur les hauteurs, prêts à faire rouler la mort sur leurs frères chrétiens. L'avant-garde se présente, 20 000 hommes la composent. Augier de Danemark la commande. Ce n'est pas à eux qu'on en veut, ils passent. Charlemagne vient ensuite. Ganelon ne le quitte pas. Pendant 6 heures défilent les armées, les chariots, le butin. Il y a là bien des richesses, mais qui donc oserait y toucher? Il passe. Enfin arrive l'arrière-garde que commande Roland. Alors les païens s'ébranlent, les Gascons se préparent, la grande tuerie va commencer. Marsille est à cheval à la tête de son hoste. Buriabel, roi d'Alexandrie, vient fanfaronner devant lui. « Seigneur, je t'ai donné 30 000 hommes bien équipés. Je n'ai pas épargné ma vie à ton service. Pour prix de cela, je te demande l'honneur du coup de Roland. Si je le rencontre, c'est un homme mort. Vous oubliez, ce me semble, que je serai là aussi, » reprend avec hauteur le roi de Saragosse. « Je n'ai pas pour habitude de céder un coup dangereux. Roland m'appartient donc. Vous avez tous assez à faire avec le reste. » Les voilà partis, armés pour le mieux et chevauchant serrés. Les Français entrent dans le défilé. Roland les arrête et prend la parole. « Compagnons, nous allons avoir rude journée. Bien peu d'entre nous reverront leur douce France. Ganelon le traître nous a mis en ce mauvais point. Nous sommes tous vendus par lui aux Sarrasins. Dans quelques instants, ces rochers vont s'ébranler et vous entendrez retentir les naquères païennes. 100 000 hommes fondront sur nous. On ignore que nous sommes prévenus et le bruit de nos fanfares doit servir de signal. Que ceux qui redoutent la rescousse partent donc et rejoignent le gros de l'armée. Que ceux qui veulent des blessures plus affreuses que la mort, que ceux-là seuls qui sont prêts à faire le sacrifice de leur vie pour se venger de Ganelon, demeurent avec moi. » Il ne sortit pas un chevalier des rangs. « Si l'un de nous en réchappe, ajoute Olivier, sa vie sera vouée à l'extermination de Gane et de sa race. Pour ma part, je le jure ici. » Tout le monde fait le même serment. Roland entend derrière lui une voix plus aiguë que les autres crier « Par la chasse Saint-Landry, mort au comte de Mayence !» Il se retourne et aperçoit Mitaine. « Ah ça, malheureux enfant, qu'es-tu venu faire ici? Tu savais bien pourtant le sort qui t'attendait. Est-ce la place des nourrissons ?»« Vous avez tort de faire fi de moi, monseigneur. Vous en aurez peut-être regret avant le départ du soleil. » Mitaine est au plus haut d'un pin. Elle regarde de toutes parts et découvre facilement l'ennemi. Le soleil brille tant et plus et fait reluire haubert, aume, lances et gonfanons. Le bruit des clairons arrive même à son oreille. Du côté d'Espagne viennent les mécréants. Ils sont si nombreux qu'on a peine à comprendre qu'il en puisse rester assez pour la garde des villes. Si l'on devait avoir affaire à pareille armée chrétienne, ce serait à douter de vivre une heure de plus. Mais ce sont des païens, et Dieu ne nous fera pas défaut. « S'il en est ainsi, dit Olivier, Roland, mon camarade, embouchez donc votre olifant. Charlemagne n'est pas loin encore. En l'entendant, il reviendra sur ses pas nous porter aide. C'est l'épée et non le corps qui nous doit tirer d'ici. La route est libre, et vous pouvez partir si la tâche vous semble trop rude. Compagnons, croyez-moi, dans quelques instants il sera trop tard. Sonnez votre olifant. C'est un vilain conseil que vous me donnez là. Il ne sera jamais compté que Roland a lâché Durandal et Corné pour des païens. Soit, dit Olivier, ce n'est point le cas de batailler entre nous. Roland avise Gautier de Luz et lui dit « Descends de cheval, et que 2000 des nôtres fassent de même. Tu les commanderas. Gravis cette montagne et surprends ces Gascons maudits dans leurs repères avant que nous ne passions dans le défilé. Massacre-les sans réserve comme des chiens qu'ils sont. Puis, ceci fait, sonne du cor. Nous attirerons alors les païens à notre pourchasse, et quand je t'en donnerai le signal, fais rouler sur les hordes sarrasines les rochers qui devait nous donner la mort. « Bien pensé, dit Hoël de Nantes, voilà qui s'égaye. Pour rien dans le monde, je ne céderai ma place ici. » 2000 hommes mettent pied à terre. À leur tête marche Gautier de Luz et l'escalade commence. Mitaine, plus agile, plus légère, a pris les devants pour reconnaître le terrain. Roland les suit des yeux. Bientôt ils disparaissent dans les rochers. Au bout d'une demi-heure qui paraît bien longue, je vous assure, on entend une grande clameur. Et voilà que les masses navarraises et gasconnes apparaissent en désordre sur les cimes. Elles ont l'épée au rein, et ce qui n'a pas été massacré sur place roule jusque dans le ravin. Là s'amasse un obstacle de chair humaine presque infranchissable. Pas un buisson qui n'en ait sa part. Puis on entend le cor qui annonce que la place est prise, et Roland, suivi de quelques milliers de chevaliers, court au devant des Sarrasins. « Qu'est-ce cela ? » dit Marsille en voyant les chrétiens sortir du défilé. « M'est avis que voilà des gens qui hésitent à s'engager dans le passage. Nous saurons bien les y forcer. Leur fosse est creusée là. Ils y coucheront cette nuit, pas ailleurs. » 30 000 cavaliers piquent des deux et sentent leur ardeur redoubler en voyant les Français tourner bride. Que nous disait-on du courage de ces gens ? Dit Aelroth, le neveu de Marsille. C'est plus une chasse qu'une bataille jusqu'ici. Nous n'avions que faire d'être si nombreux. Tes paroles sont jeunes de sens, dit Turgis de Toulouse. Prie le ciel qu'il laisse mûrir ta cervelle assez pour en comprendre l'imprudence. Les Sarrasins s'engagent dans le défilé à la poursuite des Français. Ceux-ci ont franchi tous les obstacles, mais leurs ennemis s'arrêtent étonnés devant cette montagne humaine qui leur barre le passage. Roland profite de leur hésitation et donne le signal convenu. Gauthier de Luz l'a entendu, et de toutes les hauteurs se détachent d'énormes blocs de rochers qui écrasent chevaux et cavaliers, morts, vivants et blessés, Sarrasins, Gascons et Navarrais. Le passage est fermé à jamais. « En vérité, dit Roland, Ganelon avait bien imaginé ce piège, mais on ne peut tout prévoir en ce monde, et le gibier a pris le chasseur. » Les païens qui reviennent auprès du roi de Saragosse ne sont plus que 8 000, et je compte les blessés qui ont pu échapper au massacre. Les bannières sont sur la route, avec les armes que l'on a jetées pour fuir plus aisément. « Est-ce là ce qu'on nous a promis ? » s'écrient les vaincus en menaçant Marsille. « Nous venons de tomber dans un piège que Ganelon nous a tendu. Ah, lâche Roland, traître comte de Mayence, quoi, empereur, vous vous entendiez, larron ? Par Mahomet, il sera parlé de notre vengeance. » 100 000 cavaliers piquent des deux et prennent un nouveau chemin qui leur permettra de couper toute retraite aux Français. Pendant ce temps, Mitaine et Gauthier de Luz sont redescendus auprès de Roland. L'archevêque Turpin a poussé son cheval sur un tertre. Les 20 000 preux sont agenouillés à ses pieds. « Compagnons, appliquez-vous à bien mourir, leur dit-il. C'est au ciel que coucheront ce soir les braves qui ne s'épargneront pas. Chacune de vos fautes passées sera rachetée par un coup d'estoc ou de pointe. De ce moment, je vous absous. » Puis il les bénit et tous se relèvent plus légers. Alors on entend le galop pesant des chevaux ennemis et les deux parties ne tardent pas à se rencontrer. Les lances se croisent, la terre se couvre de débris. La mort a déjà fait ample moisson et des chevaux sans cavaliers courent affolés de tous côtés. Les blessés poussent des hurlements effroyables. Partout on échange la mort. En tête des païens chevauche Aelroth, le neveu de Marsille. Par Apollon, Charlemagne est donc en enfance qu'il a confié à Roland la garde dernière de ses hostes. Le comte Dumont l'a entendu et, sans répondre, il se jette sur lui la lance en arrêt. Quel coup, mon Dieu ! Et qui y eut résisté ? Le comte brise l'écu du neveu du roi de Saragosse, lui partage en deux la poitrine, lui démonte l'échine et le cloue sur le sol. Fauzeron, un frère du roi Marsille, voit Miton et lui crie : Il est donc bien jaloux de la gloire de ses pères, votre empereur Charlemagne, qu'il les envoie ainsi à la boucherie ? Miton s'élance sur lui, l'épée haute, et lui fait 3 blessures épouvantables. Par la moindre des ouvertures, une perdrix passerait à l'aise. « Tu as menti, félon !» s'écrie le père de Mitaine. « Notre Charles est le preux des preux, et quiconque en doute mourra de la mort des chiens qui est ton lot !» Anseïs pique son cheval sur Turgis de Toulouse et enfonce son épieu dans le corps du mécréant. La banderole entre blanche dans la blessure et en ressort rougie. Je n'en finirais pas si je vous disais les coups merveilleux qui s'échangent. À la deuxième heure, la lance de Roland se brise. Il tire Durandal et se précipite dans la mêlée, picorant les têtes de la pointe de l'épée comme ramier les grains de mil du bout du bec. La bataille redouble de furie. Les Français font des miracles, mais les Sarrasins ne se lassent pas de mourir. 30 000 païens ne sont pas plus tôt à terre que 30 000 autres viennent se faire tuer. Le fer s'use à frapper avant que la force des preux ne s'épuise. Que de chrétiens ont reçu le martyr! Ils sont là, foulés aux pieds des chevaux, et leurs mères, leurs épouses, leurs sœurs les attendent peut-être en chantant. Un moment vient cependant où il n'y a plus rien à tuer. De 100 000 païens, il n'en reste pas 2. « Montjoie la royale » crie-t-on de toutes parts. Mais voilà que le roi Marsille arrive avec sa grande hoste. On n'a eu affaire encore qu'à l'avant-garde. « Compagnon, dit Turpin en montrant les Sarrasins du bout de sa massue, voilà notre agonie qui vient à nous. Faisons-lui politesse, nous serons plus vite en paradis. » Et il part aussi rapidement que s'il eût enfourché quelque hirondelle. « Ah, le faux ami qui me devance !» crie Roland en piquant veillantif de l'éperon. « Évêque, ne mourrez pas sans moi !» La mêlée devient furieuse. Turpin avise Abîme, le plus mécréant des païens. « Quel dieu sers-tu ? » lui dit-il. « Aucun ne daigne, » répond l'hérétique. Là-dessus, Turpin broche 3 coups de masse qui égrènent sur le chemin les améthystes, les topazes et les escarboucles dont est couvert l'écu du maudit. Au 4e horion, Abîme entre en enfer. Climborin abat Angelier de Gascogne, mais il n'est vainqueur que 10 secondes. Miton l'a vu, baisse sa lance et lui traverse le gosier. Voilà un chien qui n'aboiera pas sa victoire, et il poursuit. Olivier ne s'est guère reposé pendant ce temps. Il s'en va de droite et de gauche, promenant Haute-Claire dans les rangs ennemis et fauchant comme gerbe les Sarrasins. Son écusson est d'or chargé d'une croix de gueule au bâton péri en bande de sinople. Voilà une méchante enseigne, dit Valdabron en frappant la croix de sa lance. Pourtant, tu la salueras, répond le frère de la belle Aude, et d'un coup de revers, il décapite le païen. Le duc Sanche est tué. C'est Mauquidon qui a porté ce coup. Gérin et Anseïs, Béranger et Guy de Saint-Antoine ont déjà eu le même sort. Mais Roland court sus aux Sarrasins. Du pommeau de Durandal, il lui casse le visage et le jette mort à bas de son cheval. On ne le reconnaîtra plus. C'est douleur vraiment de ne pouvoir tuer qu'une fois qui a causé tant de deuil. Alors le preux se dresse sur ses étriers et regarde autour de lui. Quel spectacle, Dieu puissant! Il reste en tout 60 Français de 20 000 qu'ils sont venus. Par mon salut, dit Roland, je mourrais plus tranquille si j'emmenais Marsille au tombeau. Mais comment le découvrir dans cette mêlée? Mitaine a entendu le comte du Mans. Je vous le montrerai, moi, si vous voulez me suivre. Et l'enfant commence à enlever son armure pièce à pièce. Roland la prend par le bras et l'arrête. « Quelle preuve de folie nous donnes-tu là ?»« Vous prenez sagesse pour folie, monseigneur. Croyez-vous que je serais bien reçue avec vos couleurs ? Ma mère me grondait quand je maltraitais mes hardes. On pourrait bien me les trouer tout à l'heure. »« Et tu crois que je vais te laisser tuer ? » Il serait plaisant que nous fissions les difficiles. Ne sommes-nous pas là pour mourir ?» Mitaine s'échappe des mains de Roland et grimpe sur un cheval sarrasin abandonné auquel elle rend la main. Elle est nue jusqu'à la ceinture, ses cheveux flottent sur ses épaules. On dirait l'ange de la jeunesse, et devant tant de courage, la mort s'écarte avec respect. « Viens donc me chercher, couard de croque-mitaine, » dit l'enfant. « Je suis ici bien gardé de toi. » Roland la suit et des larmes lui viennent aux yeux. « Mon Dieu, que vous diront de moi tous ces morts? Oserais-je bien me montrer en paradis ce soir ?» Mitaine a vu le roi de Saragosse et court droit à lui sans plus regarder autour d'elle. Miton, entraîné trop avant par son audace, est de ce côté, cerné par les païens. Il frappe au hasard sans se soucier du but, croyant ne meurtrir que de la chair païenne. Mitaine approche, double malheur. Du bout de l'épée, son père lui trace sur le dos une écharpe de sang. L'enfant se retourne, tous deux se reconnaissent. « C'est vous, mon père? Le coup est bon, mais c'est du bien perdu. » Miton, foudroyé par cette vision, néglige de se défendre. « Pauvre Mita, te voilà veuve. » Mitaine est près de Marcille. Elle s'approche de lui, se dresse sur ses étriers pour être sûre que Roland la verra. Et frappant du poing la figure du païen, « Le voilà, le roi de Saragosse !» crie-t-elle de sa voix la plus forte. « Mon joie pour Charlemagne !» Elle n'en peut pas dire plus long. Marganis, le roi de Carthage, un oncle au roi Marsille, lui a porté dans la poitrine un coup qui n'avait pas besoin d'être si vigoureux. La petite roule sans connaissance sous les pieds des chevaux, le sang aux lèvres et aux narines. Roland a vu cela, et la rage le prend de plus belle. Il aborde Olivier et lui dit « Mon compagnon, ne serait-ce pas votre goût d'aller auxire ce Marsille qui fanfaronne là-bas » « Cela se peut faire, » répond le preux. Et les voilà partis. Quelques Français les suivent qui restent en chemin. Savoir, Beuve, Sire de Beaume et de Dijon, une grande perte pour Charlemagne. Yves et Ivoire, Gérard de Roussillon aussi. Roland et Olivier ont pénétré au plus avant des rangs païens. Ils sont enfin à quelques pas du roi de Saragosse. « C'est donc toi qu'on appelle le roi Marsille ?» crie Roland. « C'est un nom que les Francs n'oublieront pas. Eh bien moi, je me nomme Roland. Si tu ne me connaissais pas d'aventure, tu me connaîtras de ce jour. » Et il tranche la main droite que le roi levait pour le frapper. Lors les Sarrasins de crier « Mahomet, sauve-nous !» et de fuir comme les passereaux devant l'aigle. S'ils ont trouvé des jambes pour venir, ils ont trouvé des ailes pour s'en aller. Il ne reste plus sur le champ que 1000 Éthiopiens, la gent de Marganis. Ils sont à distance et n'avancent qu'en hésitant. Roland alors embouche son olifant et sonne une note puissante qui, d'écho en écho, va porter l'éveil à 20 lieues de là. « Que faites-vous donc ?» dit Olivier. « Avez-vous perdu toute vergogne et ne craignez-vous plus de corner pour des païens ?»« Compagnon, voilà de dures paroles. À quoi bon déranger Charlemagne pour si peu ? Nous sommes 3 maintenant. Que n'avez-vous eu moins de vaillance ? Nous ne léguerions pas cette défaite à notre pays. Si c'est pour moi que vous cornez, n'en prenez peine. Je n'ai que faire de vivre après ceci. Est-ce pour Turpin ? Notre compagnon est debout par miracle, et il aura passé avant que l'on arrive. Si vous appelez, c'est pour vous, et par le vrai Dieu, je vous trouverai osé de regarder notre Charles en face. » « En vérité, interrompt Turpin, vous avez mieux à faire que de vous quereller. Sonnez du cor, Roland, non pour nous, mais pour l'honneur de France. Revanche sera prise, et nous reposerons en terre bénite. Sonnez du cor, Roland. » Le comte du Mans reprend son olifant, souffle de telle force que ses tempes en sont fêlées, les veines de son cou se déchirent et le sang lui rougit les lèvres. L'empereur arrête son cheval. N'avez-vous pas entendu comme moi le corps de Roland ? Le comte de Mayence a tressailli. Cependant, il répond. C'est quelque pâtre perdu qui rassemble ses chèvres. Me croyez-vous donc tombé en enfance, que je prenne un corps pour un flûtiot ? C'est le corps de Roland, à n'en point douter. Vous savez, sire, qu'il corne pour un rien. Peut-être il chasse quelque bête fauve sur son chemin. Sauf votre avis, sire, ce corps a la voix triste, dit Naïm de Bavière. Et vous devez bien à vos pères d'aller voir un peu ce qu'il leur advient. Vous avez raison, compère, il nous faut tourner bride. Ganelon, vous resterez ici. L'empereur demande Bègue son maître queue et lui confie la garde du comte de Mayence. C'est au souillard de ta cuisine à me garder ce félon. As-tu quelque solide lien pour le mettre à la gêne ? J'ai, sauf respect, sire, les cordes à pourceaux, celles qui me servent quand je les saigne. C'est bien ce qui convient. Maintenant, mes compagnons, au plus vite. Et Gane, en riant, vous n'avez que faire de vous tant à hâter. Roland tint après messe dite. Soit, renégat, dit l'empereur, nous arriverons pour vêpres, et tant pis pour les païens. Dans les plaines de Roncevaux, Roland seul est debout. Aux cris, aux menaces, aux hurlements a succédé un silence 100 fois plus terrible. Effrayés de leur triomphe, les Sarrasins ont pris la fuite. Leur besogne est terminée. Voici les vautours qui les remplacent. Parasites insatiables du roi de Saragosse, ces nouveaux venus ont rarement le temps de s'essuyer le bec entre deux repas. Roland met pied à terre pour la première fois depuis 24 heures. Le vaillant preux a peine à se soutenir. Debout, le front appuyé sur la selle de son cheval, il pleure comme un enfant. Ayant donné tout son sang, il ne lui reste plus que des larmes. Les blessures ne lui sont rien. C'est le désespoir qui le tue. Dans sa douleur, il s'agenouille et serre entre ses bras le corps d'Olivier. Il l'étend sur le gazon, délace son home, l'embrasse, le déshabille, le tourne en tous sens, ne pouvant se convaincre qu'il a perdu un tel compagnon. Il fait de même pour Turpin de Reims, pour Miton, pour Gautier de Luz. Mais à quoi bon choyer ces corps inhabités ? Les âmes sont au ciel en belle place. Roland, cependant, relève la tête. Il lui semble qu'une voix bien faible, bien douce, a prononcé son nom. Quelle joie si quelqu'un vivait encore près de lui. Et moi, cher seigneur, ne me reconnaissez-vous pas ? Venez par ici, me dira Dieu. Pâle et couchée sur le gazon au milieu des morts, c'est la filleule de Charlemagne. Ah, le Seigneur soit loué, chère mignonne. En te voyant vivante, il me semble que Dieu me sourit. Tu ne mourras pas. Je ne veux pas avoir causé ta mort. Charles va venir. Il t'emportera vers notre tant douce France. Vous vous trompez, Roland. Plus jamais je ne verrai le puissant empereur et sa contrée. J'aurai bientôt rejoint mon père. Mais dites-moi, les Sarrasins sont loin d'ici ? Ils ont fui du côté d'Espagne. Alors le champ reste à nous deux ? Par la chasse Saint-Landry, je m'en vais plus heureuse que je ne l'aurais pensé. Roland s'est agenouillé. Il a retiré un de ses grands éperons d'or pur et veut l'ajuster au talon de mitaine. Tiens, cher petit héros, dit-il. Nul plus que toi n'a mérité le rang de chevalier. Et il la chausse. Les deux pieds du page tiendraient à l'aise entre les deux dents de l'éperon. Folle de joie, l'enfant se redresse, jette ses bras autour du cou de Roland. Vite, vite, donnez-moi l'accolade, cher seigneur. Je sens que je m'en vais mourir. Et retombée sur le gazon, Mitaine fait un dernier effort. Arrache deux brins d'herbe, les ajuste en croix et, les baisant avec ferveur, les reçoit pour viatique. Roland est bien seul cette fois. Sentant les ombres de la mort l'envahir, il s'approche en tâtonnant de veillantif. « Viens, mon beau cheval de combat, ta bouche n'est pas faite pour la bride de Sarrasine, tes flancs ne sont pas faits pour l'éperon des païens. » Et Roland, ayant baisé son cheval au naseau, l'abat d'un coup de Durandal. « À toi maintenant, précieuse Durandal, ta garde renferme une dent de Saint-Pierre et des cheveux de Monsieur Saint-Denis. Tu ne dois pas tomber non plus entre des mains infidèles. » Roland rassemble toutes ses forces et frappe le granit d'un coup formidable. Le rocher se fend et l'épée reste intacte. Trois fois il recommence sans plus réussir. Il n'y voit plus, le froid le gagne. Près d'un pin, il se couche étendu sur sa dague infrangible, pour qu'il soit bien reconnu qu'il meurt en conquérant. Roland venait de passer quand Charlemagne arriva. Vous pensez bien, mes enfants, que l'empereur fit payer cher aux Sarrasins le massacre de ses preux. Ce n'est qu'après avoir écrasé toute l'armée des maudits que Charles consent à mettre le pied à Roncevaux. Hélas, cette tuerie de Sarrasins n'a pu rendre la vie à Roland ni à ses compagnons. Pauvre empereur, il arrache ses cheveux et sa barbe blanche. Puis, faisant mettre à part les corps du comte du Mans, de Turpin, d'Olivier, de Miton et de Mitaine, il les rapporte en France en grand honneur dans des cercueils de marbre blanc. Comme on approchait d'Aix-la-Chapelle, l'empereur vit venir à son encontre une longue, longue litanie de femmes éplorées, toutes vêtues de noir. C'était la belle Aude, soutenue par sa sœur Mita et suivie de ses 300 femmes. Charlemagne, ému de pitié devant tant d'infortunes, mit respectueusement pied à terre et pressant la belle Aude sur son cœur. « Pauvre enfant, lui dit-il, te voilà veuve avant la noce. » La belle Aude ouvrit la bouche pour répondre, mais elle n'en eut pas la force, et l'empereur, la sentant glisser dans ses bras, se retourna. « Y a-t-il place pour deux dans le cercueil de Roland ?» Quelques jours après, furent célébrées en grande pompe les funérailles de la fiancée du comte du Mans. À la même heure, traînée sur une claie entre deux valets de bourreaux, s'en allait au charnier le cadavre écartelé du traître Ganelon. « Et Croque-Mitaine, vous ne nous en parlez pas, allez-vous me dire ?»« Croque-Mitaine n'existe pas, mes enfants !»